En prononçant le nom du père Goriot, Eugène avait donné un coup de baguette magique, mais dont l'effet était inverse de celui qu'avait frappé ces mots. Parent de Madame de Beauséant. Il se trouvait dans la situation d'un homme introduit par faveur chez un amateur de curiosité et qui, touchant par mégarde une armoire pleine de figures sculptées, fait tomber trois ou quatre têtes mal collées. Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. Le visage de Madame Restaud était sec, froid, et ses yeux, devenus indifférents, fuyaient ceux du malencontreux étudiant. « Madame, dit-il, vous avez à causer avec Monsieur de Restaud. Veuillez agréer mes hommages et me permettre... »« Toutes les fois que vous viendrez, dit précipitamment la comtesse, en arrêtant Eugène par un geste, vous êtes sûr de nous faire, à Monsieur de Restaud comme à moi, le plus vif plaisir. » Eugène salua profondément le couple et sortit, suivi de Monsieur de Restaud, qui, malgré ses instances, l'accompagna jusque dans l'antichambre. « Toutes les fois que monsieur se présentera, dit le comte à Maurice, ni madame, ni moi, nous n'y serons. »